Dossier 4. Livre page 55. Question A. La musique. La musique. La musique est magique. Ses mélodies sont magnifiques. Elle existe partout, dans mon cœur plus que tout. Elle m'amuse, elle m'épanouit, surtout quand je suis avec mes amis.